Yeah. Tout son pire MC Waro. Je voudrais donner. Je voudrais donner. Les instruits avec ma passion. Je donne la rime avec ma façon. Je donne ce que je peux. Je donne ce que le people en veut. Je donne sans hésiter. Je donne sans regret. Je donne sans libérer mon esprit enfermé qui veut voyager vers le ciel étoilé. Évite de boire la tasse. Ici c'est la haisse. Ici c'est la haisse. Je voudrais donner, donner plus que ça. Je voudrais donner même ce que j'ai pas. Je voudrais donner une minute de silence pour les innocents qui sont partis loin de là. Je voudrais donner, donner plus que ça. Je voudrais donner même ce que j'ai pas. Je voudrais donner une minute de silence pour les innocents qui sont partis loin de là. J'ai traversé 12 000 kilomètres pour donner à ma mère son rêve le plus cher. J'ai donné ma confiance à mes proches. J'ai donné sans vider mes poches, j'ai donné sans voler pour le rendre heureux. J'ai donné de l'amour sans être audacieux. J'ai donné sans reprendre. J'ai donné sans revendre ce que j'avais. Je voudrais donner, donner plus que ça. Je voudrais donner même ce que j'ai pas. Je voudrais donner une minute de silence pour les innocents qui sont partis loin de là. Je voudrais donner, donner plus que ça. Je voudrais donner même ce que j'ai pas. Je voudrais donner une minute de silence pour les innocents qui sont partis loin de là. Donne pratiquement mes qualités pour que je puisse me construire. C'est pour ça je donne l'envie de réussir. Je donne la force d'écrire. Je donne la confiance sur moi de me retenir. Je donne trop de talents sans les découvrir. Et mes rêves je les donne à fond sans les fuir. Je donne en même temps je détecte ce qui veut me détruire. Car j'aurai peine à venir de me poursuivre. Yeah. Yeah, l'héritage de ton PMC Waro, donner. Je voudrais donner, donner plus que ça. Je voudrais donner même ce que j'ai pas. Je voudrais donner une minute de silence pour les innocents qui sont partis loin de là. Je voudrais donner, donner plus que ça. Je voudrais donner même ce que j'ai pas. Je voudrais donner une minute de silence pour les innocents qui sont partis loin de là. Je voudrais donner une minute de silence pour les innocents qui sont partis loin de là.